Ouais gros, 1, 2, 1, 2. Ouais. Little King toujours en place, cousin. Pour du feeling impro. Assis devant la feuille blanche, le stylo dans la main droite, mes écrits sont une avalanche et ma langue penche en faveur de ce que l'on appelle rap. Les mots deviennent fat. D'un coup d'un seul, fais mouiller les rats. Tout est concret malgré les a priori des gens et de mon plein gré. Je me fais greffier des événements, présent tout le temps, apparemment impliqué. Je mets tous les ignorants du hip-hop au piqué. Pendant qu'on se rémousse sur des airs qui bien souvent ne veulent rien dire. Y'en a qui avancent sans secousse et qui ont pourtant des choses à dire. Pas des bandits, des sales pousses, des comme wesh wesh yo. La musique, l'équilibre sort du ghetto. Pendant qu'on se rémousse sur des airs qui bien souvent ne veulent rien dire. Y'en a qui avancent sans secousse et qui ont pourtant des choses à dire. Pas des bandits, des sales pousses, des comme wesh wesh yo. La musique, l'équilibre sort du ghetto. Si ça sort du ghetto, aujourd'hui ça se trouve à la FNAC. Tous les principes et les fondements du passé passer à la trappe. Pour Master Flash et son message, public ennemi et toute sa rage. KRS-One au Curtis Blow, tous éclipsés par les nouveaux. Faut que la roue tourne, cousin, me disent souvent les néophytes. Mais je voudrais qu'on sache enfin à qui tout ça profite. Ah ouais. Est-ce que les mômes se sentent plus forts ou deviennent-ils un peu plus fous? Les esprits clairs, bien dans leur corps ou terrassés par la vieille boue. Pour de l'égout, j'en prête à tout, me voulant ramasser des sous. Conditionné par des clichés, la gangsta rap passe partout. Une brique de plus sur le mur de l'ignorance et de l'incompréhension. Le fruit de vie passé à bloquer devant sa télévision. Plus d'attention pour ceux qui cherchent, on préfère voir bouger les derches. Et les poupées deviennent des putes se trémussant autour d'une perche. Parce que je recherche, ma lutte est mentale et pas physique. Mon combat lyrical, c'est pas de la shit. Pendant qu'on se rémousse sur des airs qui viennent souvent ne veulent rien dire. Y'en a qui avancent sans secousse et qui ont pourtant des choses à dire. Pas des bandits, ça pousse des cums au wesh wesh yo. La musique, l'équilibre sort du ghetto.